Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. La clé. Da kilida. Da kilida. Le verre. Da gilasda. Da gilasda. La montre. Da saatda. Da saatda. Les lunettes. Da ainakidi. Da ainakidi. Le téléphone. Da telefunda. Da telefunda. Le peigne. Da gomenzada. Da gomenzada. Les ciseaux. Da kaichida. Da kaichida. Le rasoir. Da digile palda. Da digile palda. L'enveloppe. Da tehat pokatda. Da tehat pokatda. Le crayon. Da pencelda. Da pencelda.